La semaine dernière, on a parlé du quoi encore? C'est ça qui est écrit. Faut que je lise mes notes. La confession. On a discuté un peu sur qu'est-ce que c'était. On s'est posé la question, pourquoi confesser? Avant, j'aimerais vous confesser quelque chose. Je suis fier de ma communauté. Je suis fier de faire partie de cette communauté. Je suis fier de voir l'accueil qu'on donne. C'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, puis je suis vraiment fier d'être ici. Je l'ai dit à Martin et Manon la semaine dernière. Je l'ai dit à Glenn, je vais vous le répéter, je suis fier d'être ici. Donc, ce n'est pas une confession difficile à faire. Il y a des confessions plus dures. Donc, pourquoi confesser? On a eu quelques réponses. Lynn en a donné quelques-unes pour s'enlever un poids sur la conscience, pour être guéri, comme protection, comme un bouclier. Ça, c'est peut-être le point qu'on va regarder le plus aujourd'hui. Prise de conscience pour éclairer une situation, une pensée. Donc, ça va être les deux points qu'on va regarder aujourd'hui, comme protection, bouclier ou pour éclairer une situation. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va regarder une autre pratique qu'on appelle le mentorat. Donc, Glenn et Jacques ont fait une série sur les pratiques spirituelles ou les disciplines spirituelles. Et il y a une pratique qui se fait, il faut être au moins deux, et ça s'appelle le mentorat. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Ça prend racine dans un texte que... dans la lettre que Paul a écrite à Timothée. Donc, si vous voulez, vous pouvez y tourner, mais je peux le lire aussi. Dans 2 Timothée 2:2, la version seconde dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, enseigne-le à des hommes fidèles ou des femmes qui pourront aussi à leur tour l'enseigner à d'autres. » Dans la Semeur, ça dit « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Donc, beaucoup ont utilisé ce texte-là pour parler d'évangélisation. Je ne vois pas d'évangélisation dans ça, mais vraiment plus du mentorat. Il y a vraiment une belle chaîne, il y a 3 générations de gens qui se passent l'information. Ça doit être la base pour l'école, ça. Hein? Sûrement, l'inventeur de l'école, il s'appelait encore, c'est ce que je disais. Y a-t-il quelqu'un qui l'aime, ce gars-là, à part les profs? Non. Charlemagne doit avoir pensé à ça, quelque chose dans ce genre-là. Hein? Mais comment faire ça, le mentorat? Comment est-ce qu'on peut imaginer le mentorat? Peut-être que vous en avez déjà fait, peut-être que certains d'entre vous savez c'est quoi. Pour moi, le mentorat, ça permet l'équilibre dans la vie. Ça permet une vie équilibrée. Et c'est pour ça que je parlais d'une protection et que je parlais aussi d'éclairer une situation, une pensée. Le mentor va pouvoir faire ça. À la base, on a besoin de 3 types de personnes dans nos vies. On a besoin d'être des élèves et peu importe à l'âge où on est rendu, on a toujours besoin d'être des élèves. On a besoin d'être des mentors. On a besoin de pouvoir transmettre ce qu'on connaît. Si on le garde pour nous, on devient boulimique de nos connaissances. Et on a besoin d'être un ami. Si on n'a pas d'amis, ça va coûter cher en psy. Hein, très cher. On va s'isoler, on va se retirer. Un mentor peut être un ami. Un ami n'est pas forcément un mentor. Donc, on va essayer là, de regarder ça un peu ensemble. OK? L'élève. Timothée et Tite, dans notre tradition, dans la Bible, sont des bons élèves, des élèves de Paul. Mais celui qui m'interpelle le plus dans le Nouveau Testament, c'est Apollos. Apollos, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il l'a appris, il l'a su, il est allé, s'est promené, il arrive dans une synagogue à un moment donné, puis il commence à enseigner. Et il enseigne la parole. On a cette histoire-là dans Actes 18, je vais vous lire un petit passage. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était, sur Jésus, sur lui était d'une grande exactitude. Mais il ne connaissait pas le baptême de Jean. Il ne connaissait que le baptême de Jean, désolé. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Ah. Un couple voit cet homme-là, il l'écoute, il trouve qu'il y a des connaissances et ils vont le voir puis ils disent « Veux-tu, on va continuer notre route ensemble. » Apollos ne les a pas envoyés promener. Je connais ça, moi, je l'ai étudié. J'ai un bac en théologie, une maîtrise peut-être, ou non. Hein? Il les a écoutés, il a pris le temps et il est resté avec eux. Donc, pour que l'histoire nous soit racontée telle qu'elle est là, si Apollos les avait envoyés promener, on aurait l'histoire, ça serait écrit. Donc, ou on n'aurait pas entendu parler d'Apollos du tout s'il les avait laisser tomber. Mais non, il a décidé de rester là et de faire le bon élève, malgré qu'il avait des connaissances. Le rôle d'un élève est simplement d'apprendre le plus possible de ceux qui veulent leur apprendre. Donc, c'est sûr que quand on est à l'école, c'est à peu près ce qu'on fait le mieux. On est assis et on écoute un prof. Hein? C'est ce que vous faites ce matin. Donc, j'espère que je vais vous apprendre quelque chose. Si je ne vous apprends rien, bien, je suis désolé. Mais la plus grande qualité d'un élève, c'est son désir d'apprendre. Parce qu'on aura beau être le meilleur professeur sur Terre, avoir toute la connaissance, si la personne devant nous ne veut pas apprendre, est fermée, bloquée à apprendre, apprendra rien. Je ne transférerai jamais rien à cette personne-là. Vous êtes d'accord, les profs? Ça va, c'est... Oui. On a des experts avec nous, hein, qui savent c'est quoi d'enseigner, mais... Je ne suis pas un bon enseignant, mais c'est sûr que si je n'ai pas l'attitude pour apprendre, je n'apprendrai rien. C'est la plus belle qualité d'un croyant, je crois. On appelle ça être enseignable dans notre jargon, dans notre patois de chrétien. Être enseignable, avoir le désir et la souplesse pour qu'on nous apprenne. Souvent, on a cette attitude, plus on vieillit, « Je suis rendu à 40 ans, tu ne me changeras pas. » Tu sais, hein? On a cette... Je le sais, moi. Non, bien, généralement, si je suis rendu à 40 ans ou à 50 ans ou j'ai juste 20 ans, je devrais avoir toujours la même attitude. Qu'est-ce que je peux apprendre? Le mentor, lui, il a le rôle inverse. Maintenant, un enseignant, un professeur n'est pas forcément un mentor. Hein? J'ai eu des profs qui étaient des modèles pour moi et d'autres que je me souviens à peine qu'ils existaient, hein, au nombre de profs qu'on passe dans une année. Mais des mentors, hein, des hommes, des femmes avec qui je me suis assis régulièrement pour discuter, parler, ça, je peux tous vous les nommer. Et on en a besoin dans nos vies. On a besoin de mentors. Hein. Paul était le mentor de Tite et de Timothée. Mon premier mentor, c'était Alain Pontbriand. Vous ne l'avez pas connu, c'est un ami qui est décédé. Tu l'as connu? OK. Il est décédé en 2006. Il a fait un ACV, il est en train de s'entraîner. Et c'était un ami avec qui on a démarré Okma, mais c'est celui qui m'a emmené ma première Bible. Quand j'ai décidé d'explorer la vie chrétienne, j'ai appelé les Gédéons, puis lui, il était Gédéon, puis il m'a emmené une Bible. Et c'est devenu mon premier mentor. Sauf que ça ne marchait pas entre lui et moi pour être un mentor. Il me semble que je n'apprenais pas de ce gars-là. Ça ne fonctionnait pas dans ma tête. Ça ne marchait pas du tout, du tout. C'était un excellent ami, mais ce n'est pas devenu un mentor. Quelque temps après, un homme à l'église s'est mis, il prêchait, et puis je suis allé le voir, et puis j'allais le voir après. J'ai encore la cassette, ça, on parle de 1990, là, j'ai encore la cassette de sa prédication. C'était François Pinard, je suis allé le voir après, puis j'ai dit, je veux que tu m'apprennes à faire ça. Fait que François, c'est le genre de gars qui prend pas une décision à la volée. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que tu viens me voir, m'a décidé sur le coup, moi, y réfléchir après, puis je vais endurer les conséquences. François, il est plutôt à l'inverse. Lui, il va dire, donne-moi une semaine, m'en revenir avec ça. Ça faisait déjà un mois qu'il priait pour pouvoir faire du mentorat envers quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui dire, tu veux-tu m'enseigner ça? Puis il dit, moi, y réfléchir. Moi, y réfléchir. Je comprenais pas, mais je savais pas que ça faisait un mois qu'il priait. Mais puis moi, je suis pas trop habitué à m'en revenir. Fait que là, ben, qu'est-ce que je fasse? M'entendre, tu sais. Et une semaine plus tard, François me dit, ouais, c'est bon, on va faire ça. Donc, on a joint l'utile et l'agréable. François et moi, on faisait du karaté tous les deux, donc on s'entraînait pendant 1 heure. On tapait d'un sac ou on se tapait dessus. Et puis, par la suite, on discutait la parole de Dieu. François m'a jamais enseigné à prêcher. Jamais. Il m'a transféré cette connaissance qu'il avait, cette aptitude qu'il avait de pouvoir enseigner. Mais il m'a appris à respecter. Il m'a appris à vivre une vie de croyant et d'écouter les gens. Pendant 7 ans, on a travaillé ensemble à toutes les semaines. On était ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie. François habitait juste en face de chez nous. Sa femme est devenue une des meilleures amies de ma femme. Et puis, donc, ma femme passait par sa femme pour passer par François pour me faire comprendre des affaires parce que j'étais un peu bouché. Donc, puis à un moment donné, j'ai dit à ma femme, il faudrait peut-être t'allonger, Joanne, elle commence à me taper ses nerfs. Mais non, François, patiemment, il s'assoyait avec moi, et même s'il n'était pas d'accord avec ce que je disais, patiemment, il écoutait et on travaillait ensemble. On a fait ça pendant 7 ans. François est parti pour Toronto, moi je suis parti pour Paris quand je suis revenu. C'était Glenn qui est devenu mon mentor. Glenn l'était déjà, était le mentor de François. François le voyait à chaque semaine et moi, je voyais François à chaque semaine. Donc, on avait hein, le 2 Timothée là, qui était là, qui s'est installé. Et quand je suis revenu de Paris, François il était toujours à Toronto. Et moi, ben, je ne peux pas vivre sans un mentor. Ça fait partie de tout ce que je suis. C'est dans ma fibre. Je ne peux pas vivre sans avoir quelqu'un que je peux appeler, que je peux lui dire, j'ai des questions, que montre-moi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, ainsi de suite. Et c'est avec Glenn qu'on a commencé à faire ce travail-là. On l'avait fait pas mal en France. Glenn et Sandy étaient déjà là pas mal avec nous. Et quand on est revenu, ben, ils ont continué ce travail-là. Donc, Glenn est resté mon mentor pendant tout ce temps-là. L'âge du mentor n'a pas d'importance et l'âge du mentoré ou de l'élève n'a pas d'importance. Hein? Je peux avoir pour mentor quelqu'un de plus jeune que moi. Et je peux être le mentor de quelqu'un qui a la même âge que moi ou plus jeune que moi. Ça dérange absolument pas. Le mentorat, c'est une relation qui s'installe. Il y en a qui vont penser, qui vont mélanger le coaching et le mentorat. Sûrement, vous avez tous entendu parler du coaching. C'est quelque chose qui se pratique de plus en plus dans le monde professionnel, mais qui se pratique aussi à d'autres niveaux. Le coaching, c'est pas du mentorat. Le coaching, c'est quelqu'un qui n'a pas l'objectif de transférer des connaissances, mais simplement pour objectif de nous aider à réfléchir pour avancer dans une discipline quelconque. Okay? Donc, un bon coach va juste t'aider à discipliner davantage, à te poser les bonnes questions pour être capable de répondre aux questions que tu as et te permettre d'avancer. Un mentor a des connaissances à transférer. Il y a quelque chose que tu veux de lui. Et tu vas le voir, puis tu lui dis, je veux avoir ça. Tu veux-tu faire ça avec moi? Tu veux-tu transférer ces connaissances-là? Est-ce qu'on peut étudier la parole ensemble? Tu as l'air de, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Donc, ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans le milieu familial, ça peut être sur n'importe quel sujet. Donc, et c'est ça le rôle du mentor. L'objectif du mentor, c'est la redevabilité. Quand j'ai dit tout à l'heure, une protection, si je suis tenté de quelque chose, où je roche sur peu importe quel sujet, ben mon mentor va être là à côté. Et puis, ben il peut m'amener des « Hey, qu'est-ce que tu penses de? » « Ah, ben tiens, qu'est-ce que tu vois, telle chose, et comment tu… » Et là, tranquillement, on peut ouvrir la parole de Dieu et étudier et essayer de comprendre. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de misogyne quand je suis devenu croyant. J'étais un gros macho, ben plutôt mince à ce moment-là, mais un vrai macho, là, un vrai de vrai. Puis vous pourrez poser les questions à Lynn, elle vous expliquera tout l'effet que ça a fait sur elle. Et puis, le nombre de fois qu'elle a dû aller voir Joanne. Pour moi, c'était ça. Puis là, ben, quand je suis tombé dans les textes de la parole de Dieu qui sont un petit peu difficiles envers les femmes, je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'appliquait pas ça. Hein? Et François, patiemment, s'est assis avec moi et m'a expliqué le contexte, m'a expliqué qu'est-ce que c'était. On a passé à travers. Je pense qu'on doit avoir étudié ça pendant 6 mois. C'était dur de comprendre un petit peu. De la misère. Je n'avais pas toujours eu l'attitude de « je comprends », mais pas parce que tu ne veux pas, tu sais, mais des fois, on a des… Le mentor ne s'impose pas. Un mentor n'est pas là pour te dire qu'est-ce que tu as à faire. Et c'est un dialogue, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Il y a un homme qui s'appelle Greg Ogden qui a fait un genre de mentorat en 3. Il a écrit une thèse de doctorat sur le mentorat en mode triade, à 3 personnes. Et ça crée une dynamique totalement différente. C'est très intéressant aussi, comme façon de faire. L'autre chose qui est, pour moi, la plus importante, une des choses qui est les plus importantes dans ma vie, c'est l'amitié. Et je vais passer juste un peu plus de temps sur l'amitié. Le mentor fait plein de sens. Mais c'est quoi un ami? Le mentor pourrait, à un certain moment donné, décider d'arrêter. Et ça ne va pas être un ami très, très proche ou quelque chose comme ça. C'est juste que, bon, ben, on a pris des voies différentes, peut-être, sur notre façon de comprendre. Et puis, là, ben, ça ne marche plus. Donc, on suit d'autres voies, puis on va trouver d'autres mentors. Hein? Je pouvais être péquiste hier puis libéral aujourd'hui, et je ne vais pas avoir les mêmes mentors, OK? Si on utilise la politique. Je pourrais être en informatique dans une certaine compagnie aujourd'hui, et demain, je vais être dans une autre, et je n'aurai pas les mêmes mentors dans mon travail. Donc, et ça, c'est totalement normal. Donc, le mentor, il va être plus volatile, si on peut dire, hein? Mais l'ami, c'est quoi l'ami? Paul avait un ami extraordinaire qui s'appelait Barnabas. Ça, c'était le gars qui le défendait. C'est le gars qui l'a présenté aux apôtres en premier. Dans Actes 9, ça dit, Barnabas le prit avec lui en parlant de Paul, il s'appelait Saul ou Saul à ce moment-là, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et comment, avec quel courage, il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Barnabas, à la base, il ne voulait pas. Hein? Tu sais, c'est « attends une minute, là. Je ne vais pas aller voir ce gars-là, il impose les mains, il est titre pour nous tuer. Tu » sais. C'est un peu compliqué. C'est devenu un ami, c'est devenu le meilleur ami. C'est devenu le gars avec qui Paul a fait ses voyages. Ils se sont séparés sur une chicane à un moment donné, mais c'est devenu son meilleur ami. Et qu'est-ce que ça veut dire, un ami? On a entendu un beau chant tout à l'heure fait par les Enfoirés. Ceux qui ne connaissent pas les Enfoirés, c'est juste des artistes français qui ont créé un genre de groupe pour aider les Restos du cœur. On fait des levées de fonds pour les Restos du cœur. Mais c'est quoi un ami? Pour moi, un ami, c'est celui qui est toujours là, que je sois d'accord ou pas. L'ami est celui-là qui va me permettre d'avancer, mais qui va marcher avec moi, peu importe où je suis. Celui qui écoute ou qui me conseille. Celui qui va me dire que je fais fausse route, même si je n'ai pas envie de l'entendre. Il me dit la vérité. Il ne m'abandonne pas. Jamais un ami abandonne un autre ami. Il n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais il va rester là. Quand je suis déménagé en France, j'avais un ami et c'était une plate, là, mais il n'est pas suivi en France, lui. Il est resté ici au Québec. Et puis, à un moment donné, je reçois un appel de ce gars-là, puis il me dit « Michel, il faut que tu m'aides ». Là, je dis « Bien, de Paris, c'est compliqué, je peux t'aider, mais c'est quoi, tu sais ?» Et puis, il avait commencé une relation extra-conjugale. C'était un gars qui voyageait d'église en église, puis il prêchait. Il était très impliqué dans le mouvement évangélique au Québec, surtout au niveau pentecôtiste. Et là, il a une relation extra-conjugale. Puis là, il me dit « Michel, je suis embourbé jusque-là, là-dedans, puis je sais plus quoi faire, puis ensuite, puis là, moi, je suis à Paris, puis je sais pas pantoute, là, quoi. » Puis là, je dis « Écoute, tu sais, faut que tu fasses le nécessaire, rencontrer les gens, puis... » Et le gars manipulait d'une manière extraordinaire tout le monde autour de lui. Il a perdu tout le monde, sa famille l'a rejeté, tout le monde l'a laissé tomber. Moi, j'ai dit « Écoute, Je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ça a duré pendant 2 ans, ça, cette affaire-là, son histoire. On a tout essayé pour le réconcilier avec son épouse et puis tout ça. Puis je lui ai dit, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais tu es mon ami et je vais rester à côté de toi, peu importe ce qui va se passer, peu importe comment ça va se passer. Et ça, c'est pas simple à faire. Parce que moi, théologiquement, j'ai une certaine position, là. Hein? C'est pas facile à suivre. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est mon ami. C'était un de mes meilleurs amis. Et je ne pouvais pas l'abandonner. Et c'est ce que je pense souvent, c'est que on doit prendre des décisions. Et je vais vous montrer un petit film, un court passage du Seigneur des Anneaux, qui, je pense, pour moi, représente le mieux c'est quoi l'amitié. Et par la suite, on va voir ce petit film-là. Et par la suite, ben, on va juste en discuter ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Qu'est-ce que vous pensez du mentorat? Qu'est-ce que vous pensez d'être enseignable, d'être aujourd'hui là où vous êtes et continuer à vouloir apprendre de quelqu'un? OK? C'est correct? Pour vous mettre dans le contexte, est-ce que quelqu'un ici n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux? OK. Donc... Il y a deux personnages principaux, majeurs dans ça, Le Seigneur des Anneaux, Sam et Frodon. Frodon a une quête, il y a un anneau dans le cou, et cet anneau-là représente le mal dans toute sa puissance. Et cet anneau-là cherche son maître, Sauron. Et la quête de Frodon, c'est de détruire l'anneau. Et il doit aller l'amener là où elle a été forgée, donc dans l'antre, dans la maison même où habite son maître, Frodon. Okay? Pas Frodon, mais Sauron. Okay? Frodon, ça, c'est le jeune. Bien, le jeune, on appelle ça, moi, c'est des hobbits, c'est des semi-hommes. Il y a les nains, il y a les hobbits, puis il y a les hommes. Okay? Donc, fait que si vous m'entendez dire, là, il a l'air d'un hobbit, c'est parce qu'il est tout petit, mais il n'est pas encore nain. Donc, alors, Et Frodon a cet anneau-là dans le cou, elle lui pèse lourd, et à un moment donné, il dit à Sam, « C'est mon fardeau, tu ne peux pas, c'est à moi. » Il lui a arraché les mains. Sam avait simplement voulu sauver la situation et avait enlevé l'anneau à Frodon alors que Frodon était sans connaissance. Et puis, et Frodon lui a arraché en disant, « C'est mon fardeau, c'est pas à toi de porter ça. » Ok? Et quelques jours plus tard... Tu veux-tu lever le volume encore? Dans les coudrets. Et on s'aimera l'orge du sud dans les champs des respire. Et on mangera les premières fraises à la crème. Vous vous souvenez d'une des fraises? Oh, ça, je n'ai le souvenir d'aucune nourriture. Dis, tu chantes toujours. Oui, tu la caresses tellement. Je suis nu dans les ténèbres. Des fois, on est vraiment dans des situations comme ça. Hein? On s'est mis vraiment dans le... Hein? Et c'est nos amis qui devraient être là à côté de nous. C'est nos amis qui devraient dire, c'est vrai. Ça, c'est ton fardeau, je ne peux pas le porter pour toi. Mais toi, je peux te porter. Je peux t'aider à avancer. Je peux y aller avec toi. Je peux tout faire. Et je vais tout faire pour le faire. Pour moi, ça, c'est la plus belle... En tout cas, pour moi, le Seigneur des Anneaux, ça tourne autour de Frodon pour la plupart. Et moi, le meilleur dans ça, c'est Sam. C'est mon meilleur. Et pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là à chaque instant. Il est rejeté par Frodon et il revient. Il est bafoué. Et tout le temps, il revient. Toujours, il revient. À la fin, Frodon va le trahir et il va rester là avec lui, tout le temps. Et c'est ça l'amitié pour moi, la beauté de l'amitié. Même si on est dans le plus creux, dans le plus compliqué, quand on a un ami qui est là à côté de nous, qui marche avec nous autres, bien ça nous permet de pouvoir avancer et de continuer. Fait que je vous pose la question, que vous en pensez? L'amitié? Le mentorat est un élève. Est-ce que ce sont pour vous des choses nécessaires dans la vie? C'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que oui, vous êtes peut-être d'accord ou pas d'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. On a 10-15 minutes où on peut en parler. Ou bien non, on arrête tout ça puis on s'en va dîner. Donc, à nous, à vous, la parole. Estelle et Manon. Mais moi, l'amitié, c'est aussi quand les moments de silence sont pas embarrassants. C'est quelqu'un avec qui je suis pas obligée de parler tout le temps, puis qui peut avoir un long moment de silence, puis c'est plaisant. Je ne cherche pas toujours quelque chose à dire. Ça, c'est simple que je suis à l'aise et en amitié avec quelqu'un. C'est important. Merci. Manon. Ben, moi, c'est comme... Moi, je suis comme toi. T'sais, moi, je parle, puis après, je réfléchis à ce que j'ai dit. en fait, je vois... Jacques nous parle souvent qu'on est des apprentis de Jésus. Hein? On est comme... Lui, c'est notre mentor, puis on doit apprendre de lui. On est des élèves, finalement, on apprend. Puis ce qui me frappe, c'est que Jésus, il dit, je suis votre ami aussi. Fait que quand je vois Sam, c'est Jésus que je vois. Fait que Jésus, lui... Des fois, souvent dans la Bible, tu vas voir, David a été déçu par ses amis. Ses amis l'ont abandonné, tout le monde. Mais il y en a un qui ne t'abandonnera jamais, puis c'est le Seigneur. Parce que des fois, on est tous des humains, puis même si on veut être le meilleur ami, on va décevoir notre ami à un moment donné, ou nos amis vont nous décevoir. Puis je me dis, bien, on doit viser à être un ami comme Jésus, parce que lui, il est venu nous chercher. On était dans le chenoute, pas à peu près. Il est venu nous chercher, il ne nous a pas abandonnés, puis il ne nous abandonnera jamais. Puis ça me touche beaucoup, tu sais. C'est le meilleur mentor, Jésus, puis c'est le meilleur ami en même temps. Effectivement. Puis ouais. C'est bon d'être son élève, puis son ami. Oui, effectivement. Oui, Alphonse. Le nom modèle, là, il peut décevoir. Mais l'amitié, selon l'image de la Bible, dit Jésus, c'est un bon ami. Parce que que dès que vous venez de le développer, l'ami ne pourra jamais vous abandonner, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, vous pouvez emprunter un mauvais chemin, mais il dit, sur le chemin que vous avez emprunté, je ne veux pas m'engager, mais il reste toujours un ami. Jésus, il ne pourra jamais vous abandonner. C'est pourquoi il dit, vous pouvez tomber, vous tombez sur moi. Alors, il ne pourra jamais nous abandonner. L'amitié, là, c'est pourquoi j'ai toujours regardé l'image de la Bible, Jésus, c'était un meilleur ami. On ne le considère pas comme un modèle. Paul a été utilisé comme un modèle. Soit un modèle comme, je suis votre modèle. Mais Jésus, on dit qu'il est un ami. L'ami ne vous abandonnera pas. Martin. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui est un ami, des fois, il va anticiper les besoins d'une autre personne. Et puis ça, je trouve ça assez. C'est le sens d'initiative. Quand tu le reçois, quand je suis dans une situation particulière, puis que ce soit mon épouse ou un autre gars ou peu importe qui vient au-devant, sachant que ça va arriver, ou même pendant que je le vis, qui vient au-devant, puis on n'a pas eu besoin d'y demander. Je trouve ça assez particulier. Hein. C'est comme si la personne vient en communion dans nos pensées, dans notre souffrance, ou dans un vécu touché qu'on peut vivre au niveau émotif, quoi que ce soit. Puis la personne vient, je fais ça pour toi. Waouh, ça m'a juste effleuré l'esprit. Je n'étais même pas en train de bâtir le projet que tu m'aides, mais tu viens au devant de moi avant même que je le demande. Waouh, ça, je trouve ça très intéressant comme facette de l'amitié. Il faut être très proche. Oui, effectivement. Il faut être très proche. L'amitié peut être souffrance en faisant ça, parce qu'en se rapprochant, on s'ouvre en s'ouvrant. On s'ouvre aussi aux blessures, mais on s'ouvre à des bénédictions comme celle-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire. Ouais. Oui, Daniel? Bien, moi, justement, l'amitié, je me dis, c'est aussi... il ne faut pas s'attendre... Tu sais, on regarde les films, est-ce que tout est beau, les gens savent quoi dire, quand et comment, mais des fois, l'amitié, c'est la personne ne sait pas quoi faire. C'est ça. On ne sait pas quoi faire. Des fois, on ne sait pas quoi dire à la personne, mais on peut être là, en tout cas. Oui. Monsieur derrière, merci Daniel. L'amitié à court terme, pour moi, c'est beaucoup plus facile que l'amitié à long terme. Je suis en face de quelqu'un que je connais pas. J'échange avec lui, et je peux échanger d'une façon très profonde. Et à cette époque-là, à ce moment-là, je peux être en très grande amitié avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je vais la rencontrer ou la fréquenter pendant les années qui vont suivre. Mais la période où j'étais avec, j'étais 100% en amitié. Effectivement. Il y a une question d'intention dans ça, d'attitude. Oui. Ça, tu pourrais amener des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis, mais beaucoup de connaissances. Oui, c'est ça. Il y a les amis Facebook, puis il y a les vrais amis. Ouais. Oui. Ça me fait rire que tu parles de Facebook, justement, parce que j'ai discuté une de mes amies hier, puis elle me disait, c'est drôle, elle dit, j'ai 112 amis Facebook, mais je suis seule un samedi soir. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec elle, parce que moi aussi, j'en ai des amis, puis je suis régulièrement entourée, mais il y a des fois que je suis tout seul un samedi soir. Ouais. Quand j'ai pas les gars. Puis c'est dur à prendre ça, parce que tu dis, Colin, j'ai tellement d'amis, mais il n'y en a pas un qui est libre pour moi aujourd'hui. Fait que ça me met toujours souvent en question, mais moi, je suis privilégiée, par exemple, j'ai Josée. Josée, moi, est toujours là. Josée, c'est mon équivalent de Jésus, là. Tu sais, c'est... Elle a... Notre amitié est solide, puis c'est ma sœur Gamji. C'est ça. Moi, je peux la jeter par moment, parce que je suis un méchant caractère. Elle revient toujours. Elle est toujours là. Puis ça, là, c'est vraiment une c'est bénédiction d'avoir une amitié comme j'ai avec Josée. Là, on s'entend qu'on travaille ensemble 50 heures semaine, puis on se voit la fin de semaine, puis on ne parle pas l'une de l'autre, là. Là-dessus, je sais que je suis privilégiée. C'est un grand privilège. Et hier, sur mon Facebook, j'avais 4 amis minimum qui ont écrit « Qui sort à soir? » C'était ça qui était écrit, « Qui sort à soir? » Donc, effectivement, il y en a un paquet de gens qui sont seuls malgré Facebook. Il y avait monsieur, puis j'ai vu une autre main, là, c'est Hélène. Okay. Donc, allez-y, puis après Hélène. Moi, je à amener dans l'amitié d'un chrétien. La définition, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence dans ma vie. Et si je me sens en action avec plusieurs personnes, je suis plusieurs amis, mais ce n'est pas des amis de longue durée. C'est le moment présent. Effectivement. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait faire la différence dans la vie? Merci. Hélène? Je sais que le temps. Oh non, parce qu'on a encore 3-4 minutes. Je voudrais juste revenir sur l'aspect de disponibilité. Mais je vois ça en deux volets. Le volet où chacun a sa propre vie aussi, puis c'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas être avec les autres, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas. Par contre, je me dis, pas pouvoir peut aussi être faire un effort supplémentaire pour se rendre disponible malgré tout. Malgré tout le pouvoir de la famille, du couple, du travail, des études, tout ce que vous pouvez connaître et Facebook inclus. Mais c'est ça, c'est de se rendre disponible, de penser qu'il y a peut-être autre chose, de se faire comme un trou. Là, on ne peut pas faire un trou dans l'horaire du lundi à 8 heures. Mais d'essayer de penser qu'à un moment donné, quelqu'un peut avoir besoin de nous à un moment très précis. Alors, c'est facile si on n'a pas d'enfants, si on n'a pas de couple, si on n'a pas de famille, etc., comme ça, on est plus disponible qu'un autre. Non. Mais je voudrais juste porter ça à votre attention, de peut-être prendre un temps là, dans votre semaine pour dire peut-être que je devrais être disponible. Dieu ne vous le dira pas nécessairement à ce moment-là, mais c'est l'attention aussi qu'on porte à une autre personne. Un moment où on n'a même pas demandé, la personne arrive dans notre vie, comme Martin disait, mais cette personne-là s'est sûrement rendue disponible aussi. Alors, je trouve ça très beau la disponibilité. Effectivement. Et c'est souvent le. Si on est disponible, le Saint-Esprit il nous parle aussi. Pour pouvoir faire ce que Martin a dit, hein, d'anticiper un besoin ou quelque chose dans la vie d'un ami, il faut que je sois prêt. Mais le Saint-Esprit va utiliser aussi ma disponibilité, le fait que je sois à l'écoute et tout ça, et va m'éveiller à quelque chose. Et je vais passer à l'acte. Et là, ben, je vais surprendre mon ami. Mais d'autres fois, il faut que je sois disponible à recevoir. Hein, qu'est-ce que l'autre a pour moi? Hein? Et on l'est pas toujours. Hier, Lynn et moi, on a loué un film, un petit film Fleur bleue. Là, c'est comment? C'est ça. Le jour de la Saint-Valentin. Hein? Bon, c'est pas vraiment mon type de film. C'est pas. Mais une fois de temps en temps, il faut aussi faire certains sacrifices. Hein? Non, non, c'était un bon film. Mais il y avait une belle scène sur l'amitié dans ça, où quelqu'un a dit, le gars il dit, « Je suis dans les problèmes que j'ai aujourd'hui parce que tous mes amis ont vu ce qui allait se produire et ne me l'ont pas dit. » Et donc, moi, là, je te le dis, là, ce qui va se produire, c'est ça. Dans ta vie, si tu vas vers là, voici le mur que tu vas frapper. Et il a décidé d'aller voir son ami pour dire, « Moi, je ne vais pas laisser dans ta vie ce qui est là. » Et il l'a averti. Mais la personne, elle n'était pas à l'écoute. Elle n'était pas ouverte. Elle n'était pas prête à recevoir ce que son ami était en train de lui dire. Puis, elle a frappé le mur. Hein? Donc, ça fait partie de la vie aussi, des fois. On dit des choses, on est prêt à, et on n'est pas prêt, nous, à le recevoir, nos amis. Puis, ça fait partie de... Donc, ça fait partie de la vie. Je vous invite à vous trouver un mentor, hein, à vous trouver quelqu'un que vous pouvez regarder puis dire « J'aimerais ça avoir ce qu'il a et ou ce qu'elle a. » Pas dans un sens de convoitise, mais dans un sens de vouloir grandir, aller plus loin, être, devenir meilleur dans ce que je suis. Il y a des gens, moi dans mon métier, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Puis je le regarde, puis je sais où est-ce que je vais aller. Et je sais que lui ou elle est rendu là, puis je lui demande. J'ai envoyé un email cette semaine à un directeur chez Bombardier en disant, « Écoute, mon mentor est parti en Chine pour 2 mois. Tu peux-tu le remplacer? » Et ça fait partie d'eux. Donc, ce n'est pas un ami. Il fait partie de la liste d'amis sur Facebook, mais ce n'est pas un ami. Mais ça peut être un mentor, quelqu'un de qui je vais apprendre, soit professionnellement ou spirituellement. Glenn est devenu avec le temps un ami. C'était un mentor pour que ça a commencé comme ça. Et je vous invite aussi à avoir dans vos vies quelqu'un à qui vous pouvez partager vos connaissances, partager votre vie chrétienne, partager votre cheminement de foi. Parce que si on garde ça pour nous, on est comme la mer morte qui déverse rien. Il faut qu'on puisse se libérer de ces... Et ce n'est pas une libération, c'est une bénédiction de pouvoir transférer ce qu'on a, ce qu'on connaît, ce qu'on sait à d'autres. Donc, que Dieu vous bénisse. Je veux vous le répéter, je suis fier d'être ici. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne semaine. Lynn, t'avais-tu d'autres choses? C'est ici que ça s'arrête. Et puis, je vous aime.